Lévitique chapitre 7. Or c'est ici la loi de l'oblation pour le délit, c'est une chose très sainte. Au même lieu où l'on égorgera l'holocauste, on égorgera la victime pour le délit, et on en répandra le sang sur l'autel alentour. Puis on en offrira toute la graisse, avec sa queue, et toute la graisse qui couvre les entrailles. Et on en ôtera les deux rognons, et la graisse qui est sur eux jusque sur les flancs, et la tête qui est sur le foie pour la mettre sur les deux rognons. Et le sacrificateur fera fumer toutes ces choses sur l'autel en offrande faite par feu à l'Éternel, c'est un sacrifice pour le délit. Tout mâle d'entre les sacrificateurs en mangera, il sera mangé dans un lieu saint, car c'est une chose très sainte. L'oblation pour le délit sera semblable à l'oblation pour le péché, il y aura une même loi pour les deux, et la victime appartiendra au sacrificateur, qui aura fait propitiation par elle. Et le sacrificateur qui offre l'holocauste pour quelqu'un, aura la peau de l'holocauste qu'il aura offert. Et tout gâteau cuit au four, et qui sera apprêté en la poêle, ou sur la plaque, appartiendra au sacrificateur qui l'offre. Mais tout gâteau pétri à l'huile, ou sec, sera également pour tous les fils d'Aaron. Et c'est ici la loi du sacrifice de prospérité, qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre pour rendre grâce, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des tourteaux sans levain pétri à l'huile, et des beignets sans levain loin d'huile, et de la fleur de farine rissolée en tourteaux pétri à l'huile. Il offrira avec ses tourteaux du pain levé pour son offrande avec le sacrifice d'action de grâce pour ses prospérités. Et il en offrira une pièce de toutes les espèces qu'il offrira pour oblation élevée à l'Éternel. Et cela appartiendra au sacrificateur, qui répandra le sang du sacrifice de prospérité. Mais la chair du sacrifice d'action de grâce de ses prospérités, sera mangée le jour qu'elle sera offerte, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Que si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou une offrande volontaire, il sera mangé le jour qu'on aura offert son sacrifice, et s'il y en a quelques restes, on le mangera le lendemain. Mais ce qui sera demeuré de reste de la chair du sacrifice, sera brûlé au feu le troisième jour. Que si on mange de la chair du sacrifice de ses prospérités le troisième jour, celui qui l'aura offert ne sera point agréé, et il ne lui sera point imputé comme une bonne action, ce sera une abomination, et la personne qui en aura mangé, portera son iniquité. Et la chair de ce sacrifice qui aura touché quelque chose de souillé, ne se mangera point, elle sera brûlée au feu, mais quiconque sera net, mangera de cette chair. Car une personne qui mangera de la chair du sacrifice de prospérité, laquelle appartient à l'Éternel, et qui aura sur soi quelque souillure, cette personne-là sera retranchée d'entre ses peuples. Si une personne touche quelque chose de souillé, soit souillure d'homme, soit bête souillée, ou telle autre chose souillée, et qu'il mange de la chair du sacrifice de prospérité, laquelle appartient à l'Éternel, cette personne-là sera retranchée d'entre ses peuples. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ni d'agneau, ni de chèvre. On pourra bien se servir pour tout autre usage de la graisse d'une bête morte, ou de la graisse d'une bête déchirée par les bêtes sauvages, mais vous n'en mangerez point. Car quiconque mangera de la graisse d'une bête, dont on offre la graisse en sacrifice par feu à l'Éternel, la personne qui en aura mangé, sera retranchée d'entre ses peuples. Dans aucune de vos demeures vous ne mangerez point de sang, soit d'oiseau, soit d'autres bêtes. Toute personne qui aura mangé de quelque sang que ce soit, sera retranchée d'entre ses peuples. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, celui qui offrira le sacrifice de ses prospérités à l'Éternel, apportera à l'Éternel son offrande, qu'il prendra du sacrifice de ses prospérités. Ses mains, dis-je, apporteront les offrandes de l'Éternel qui se font par feu, c'est à savoir la graisse, il l'apportera avec la poitrine, offrant la poitrine pour la tournoyer en offrande tournoyée devant l'Éternel. Puis le sacrificateur fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine appartiendra à Aaron et à ses fils. Vous donnerez aussi au sacrificateur pour offrande élevée, l'épaule droite de vos sacrifices de prospérité. Celui d'entre les fils d'Aaron, qui offrira le sang et la graisse des sacrifices de prospérité, aura pour sa part l'épaule droite. Car j'ai pris des enfants d'Israël la poitrine de tournoiement, et l'épaule d'élévation, de tous les sacrifices de leur prospérité, et je les ai donnés à Aaron sacrificateur, et à ses fils, par ordonnance perpétuelle, les ayant prises des enfants d'Israël. C'est là le droit de l'onction d'Aaron, et de l'onction de ses fils sur ces offrandes de l'Éternel faites par feu, depuis le jour qu'on les aura présentées pour exercer la sacrificature à l'Éternel. Et ce que l'Éternel a commandé, qui leur fut donné par les enfants d'Israël, depuis le jour qu'on les aura oints, pour être une ordonnance perpétuelle dans leurs âges. Telle est donc la loi de l'Holocauste, du gâteau, du sacrifice pour le péché, et du sacrifice pour le délit, et des consécrations, et du sacrifice de prospérité. Laquelle l'Éternel ordonna à Moïse sur la montagne de Sinaï, lorsqu'il commanda aux enfants d'Israël d'offrir leurs offrandes à l'Éternel dans le désert de Sinaï.